nos dieux, faites que leur chute soit sans filet. La pression tous les jours, venir en jouer sans tirer. Endurer sans jamais penser abdiquer, ça leur ferait trop plaisir. Allons, sachant quelqu'un d'avoir un chaud lapin qui nous préside. Les barrières se franchissent pendant qu'on en crée d'autres. Putain, suis-je pas dans le bon créneau? Certains chez eux n'ont même pas d'entrée d'eau. Certains se gavent et graillent les miettes pour nettoyer la table braille. Et sur le terrain ne savent que garder la balle. Là-bas du gaz, c'est plus qu'un verre de terre au bout de la canne. Je tire sur la corde et dans ton cœur ressens-tu le claquage? J'ai froid car la cage d'escalier ne réchauffe pas les cœurs. Il est seul, sérieux à boire, naïf de croire que ce qu'il n'avale n'est que le début de la fin ou la fin du haut débit que trop dur. Un parfum de chagrin malsain qui règne entre ses murs. À soi-même on ne peut mentir, dissimuler ce qu'on cache aux autres. Impossible de brailler quand tu te sens humilié face aux ordres. La vie est telle, cruelle, triste et roublarde. Quand du jour où le tapis rouge se déroulera, un claquement de doigts et tout réjoué. Inconsolable, mais sommes-nous conçus pour échouer? La vie est telle, cruelle, triste et roublarde. Quand du jour où le tapis rouge se déroulera, un claquement de doigts et tout réjoué. Inconsolable, mais sommes-nous conçus pour échouer? J'ai beau essayer de sécher mes larmes, éviter les histoires. Y'a tout qui est foiré et j'ai vu des mecs qui finissent par jeter l'éponge. Et trop souvent y'a danger, mais tant que j'ai la foi, ça m'évitera de plonger, non? Tu voulais que ça claque, que ça frappe sec. Autant qu'un bâtard qui fracasse sa femme quand il n'a pas de sexe. Tu m'as pris pour qui? C'est pas le moment de rigoler. J'suis d'humeur dépressive comme quand j'ai trop picolé. Alors je rappe et venez pas me saouler. Le regard de ma fille, voilà ce qui m'empêche de couler. Mais t'es foulé, bonnes choses ont une fin. Dit avoir des boulets, les faux amis aucune fin. J'connais les vrais. J'suis pris d'otage entre la mer, tu mets la joie. J'étais cool à la surface, on m'a amputé des nageoires, putain. Envie de me tailler, de laisser place aux autres. Impossible de brailler quand tu te sens humilié face aux ordres. La vie est telle, cruelle, triste et roublarde. Quand du jour où le tapis rouge se déroulera, un claquement de doigts et tout réjoué. Inconsolable, mais sommes-nous conçus pour échouer? La vie est telle, cruelle, triste et roublarde. Quand du jour où le tapis rouge se déroulera, un claquement de doigts et tout réjoué. Inconsolable, mais sommes-nous conçus pour échouer? Le soleil brille autant que je m'en prends, la paix non m'aura. J'écris d'arc, je me dépose. C'est pas ta petite tape sur l'épaule qui me remonte le moral. Je tape du pied, je m'en arrache les ongles. J'taille cramé, marre de ramer grave. J'gratte du haut, j'crée, j'en cravache des sons. Revissez-moi, mes peurs décrochent. Passe une année sans tombe, sans chemise noire, sans fleurs, sans supporter les pleurs des proches. Gardez vos discours pour vos gosses, me parlez pas de pitié. J'pense à la mort précoce d'un jeune qui arrêtait pas de prier. Il te faut une taille remplie de collage. Mes frères, pas d'accolade. La vie, ça te perd comme les polars. Spike Fater pour la collab. J'peux ressembler à ce geek imperpe sur sa console écrit au kick d'un père. J'repique un verre, tu vas consoler qui? Décevant, on s'endort mieux avec une paire de boucles. J'repartirai les pieds devant, pour l'instant j'me perds debout. J'me sens mal face aux autres, la face au sol. Impossible de brailler quand tu te sens humilié face aux ordres. La vie est telle, cruelle, triste et roublarde. Quand du jour où le tapis rouge se déroulera, un claquement de doigts et tout réjoué. Inconsolable, mais sommes-nous conçus pour échouer? La vie est telle, cruelle, triste et roublarde. Quand du jour où le tapis rouge se déroulera, un claquement de doigts et tout réjoué. Inconsolable, mais sommes-nous conçus pour échouer?